A tort ou à raison, ce matin-là tu m'as trouvé mignon. A tort ou à raison, tu m'as choisi moi parmi des millions. Et c'est à tort et sans raison que je t'ai trompé toi, avec des millions. Alors je sais que t'es déçu, de t'être aperçu que pour mille et un dessous, notre couple j'ai des sous, des. Alors ma vie je vais l'avouer, à te prouver qu'à deux notre couple, on peut le renouer. Avec toi j'ai voulu jouer, mais je succombe à ton charme et ta beauté qui me transcende. À trop te désirer, te serrer si fort, me voilà prise à mon propre piège, mon présent. Avec toi et ma moitié, me voilà prise à mon propre piège, mon trésor. Ma vie ne me le permet pas, mais je suis loin de toi malgré moi. Tout est flou, quitte à tout perdre, je reste avec toi, mon trésor. Je suis l'auteur de cette situation, à moi de trouver son dénouement. Je voudrais que nul n'ait à en bâtir. Fasse la raison, peu m'importe de quelle façon. Je rêve d'un jour où nos sourires et l'avenir. À tort ou à raison, ma vie je ne la conçois pas sans toi. Alors oui, de toi je disais que t'étais ma moitié. Putain que c'est dur de dire cette phrase au passé, mais à présent t'es parti et c'est mon moi tout entier qui a cessé d'exister. Insister, j'ai eu beau mais tu m'as laissé choir. Je sais que je suis la seule cause de mon désespoir, mais ce que je t'ai pas dit, je te le dirai. Ce que je n'ai pas fait, je le ferai. Trop tard, je te le dis. Je t'aime et je t'aimerai.